même entouré de toutes ces sœurs, te demande pas pourquoi. J'ai pas la bise à la joie m'a jamais eu, donc je connais pas le mot de joie, moi. Ma force, c'est le soutien de ma mi-fa, ton rémi, fa, sol, pourquoi mes textes sont si sales. Un salut, son nom hall et nom cruel. Un salut, pourquoi la vie est si cruelle. Y'a des hauts, des bas, des fins, des départs, des discours au départ, des fins qui nous séparent. Partout les visions, je livre par des partitions. L'honneur, j'additionne, de la haine en munitions. Pourquoi tant de punitions, de mentions, grandes intentions. Attention, les forces se trouvent sous tension. Pareil pour la censure, les plaies prennent la censure. Tant qu'un humeur navigue tel un ascenseur. Pourquoi l'ambiance est casse-pipe? Pourquoi on part au charbon? Pourquoi les tubes se glissent des mains comme du savon? Pourquoi les mecs se check et dans le dos veulent se manger? Pourquoi tu me parles moral? Y'a que Dieu qui peut me juger. Pourquoi tu stops la chop quand j'effectue mon rallye? MC inscrit dans le top avec la couva et Sally. Pourquoi tant de pourquoi? Pourquoi peu de réponses? Tu me demandes, tu fais quoi? Si tu me baisses, bah je te défonce. Pourquoi tout en raffia sans cesse en mode astuce? Pourquoi ça pue? Parce que le monde est un cactus. Demande pas pourquoi je veux t'en faire du zéné. Galé que l'histoire de Gorée fait encore mal. Pourquoi je suis trop street? Pourquoi je suis trop street? Je crie sur chaque titre parce que je suis neuf de district. Pourquoi faut pas freiner? Mais toujours mettre la gomme, garçon, pour s'en sortir. C'est comme des quatre ans à fond la forme.